radio adventiste Bethany de Pétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par les paroles du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. C'est toujours un plaisir de pouvoir porter la parole du Seigneur. Prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas une messe à faire. Est-ce que nous comptons ça? Camper pour parler avec le peuple bon Dieu, hein, qui soif dans des paroles, ce n'est pas un petit bagage. Pendant la période de prière, ça, thème ça que l'Église l'a choisi, qui c'est vers une intimité plus profonde avec Dieu. Est-ce que l'Église a besoin d'intimité, ça, bien-aimés frères et sœurs? Est-ce que nous sentons que nous avons besoin d'intimité, ça, avec bon Dieu? Et je dois vous le dire franchement. Gon relation, c'est que vous n'avez pas avec bon Dieu, bien-aimés. Une nouvelle ou qu'a fin prend ou mourir après. Est-ce que nous compte ça? Parce que la relation que vous avez avec bon Dieu, ça permet que vous ayez une assurance que tout ça qui arrive, que bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Et une bagaille qui qu'on fait nous parfois voulez faire relation, c'est surtout les gains des pertes. Parce que en tant qu'homme, nous tout qui la nous aimer les que moun yo, les que proche nous yo, yo là avec nous. Et week-end ça qui écoulé a, hein, une expérience que moi t'ai fait et ça t'a montré encore une fois que si on moun gon relation, gon dimension que on pas gagné entre ou même avec bon Dieu, si ou ka tombe marcher dans la ria, si on le monde fou ou pas répondre, c'est que ou fou réellement. Pendant week-end ça, bien aimé, j'étais à Les Anglais pour les funérailles de mon oncle. Imaginez-vous qui ça qui arrivait pendant que nous dans l'église là, funérailles a chanté. M'gen youn nan cousine moi yo pendant li même li nan funérailles papal, Marie mouri. Est-ce que nous comprenons ça qui a passé? Imaginez-vous pendant ou même ou gon douleur, pas vrai, papa au fin aller pendant ou a font crier, ou a détirer pour papa qui mouri et puis qui nouvelle qui vient de nous? Bon, mes amis, si yon moun ou pas connaît que bon Dieu li existe, si moun sa sorti ça, est-ce que nous pensons ça le café dans la rue? Gen moun ki sal de café, le décan ni calé, si ve en machine, n'est pas vrai? La gueule en balle et surtout certaines fois les que bagay la kon red nan men mesdames yo ça arrive mais avec beaucoup de douleur avec beaucoup de difficultés nous essayer calmer mais ça fait là li fait déjà c'est ça fait gen ensemble de textes certaines fois qui kon utile gen ensemble de bagay que nous connaît nous kon a dit souvent mais dia c'est youn. Mais gen relation avec bon Dieu c'est yon lot bagay. C'est ça que fait en tant qu'être humain. Nous avons réellement besoin de cette intimité avec Dieu parce que certaines fois dans notre vie, gen bagay qui vini sous route nous, gen expérience que nous a fait, si c'est pas relation ça que nous dégage avec bon Dieu, que nous connaît que tout ça qui concerne nous gen importance dans Dieu bon Dieu, nous ta fou déjà. Est-ce que nous connaissons ça bien-aimé? Bagay yo pas facile. Dans le monde que nous avons vivre là, toujours il y a des bagages qui a présenté qui dépassaient nous en tant qu'humains, mais nous-mêmes en tant que des chrétiens, nous croyons dans un Dieu qui peut tout faire. Tandis que nous avançons au cours de cette semaine vers cette intimité avec Dieu, je vous invite à chanter avec moi une strophe du numéro 128, comme une terre altérée. Soupir après l'eau du ciel, etc. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine ondée, venez arroser nous. À toi seul, notre Dieu, notre Père, soit la gloire et l'honneur pour ce que tu as fait de notre vie. Merci pour la valeur que tu accordes à notre existence. Merci pour ta présence qui est constante dans notre vie. En cet instant, nous allons nous adresser à ton peuple. Puisses-tu nous assister jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et lisez avec moi rapidement au psaume 15, s'il vous plaît. Ok, lisons rapidement au psaume 15. Et pour en ce soir, le thème et sur lequel je vais attirer votre attention, c'est bien ce qu'il faut reconnaître pour une intimité avec Dieu. Est-ce que nous allons répéter pour moi? Ce qu'il faut reconnaître pour une intimité avec Dieu. Lisons ensemble le psaume 15. Commençons. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Je dois vous dire, bien-aimé, que ce psaume, qui est le psaume 15, c'est un psaume que mon aimé en pile en Bible. Parce qu'il présente un type de monde. Dans le psaume, on va parler de tout le monde. Là, c'est David, dans le psaume, ça. C'est comme si David l'a parlé avec mon Dieu, et puis il dit, mon Dieu, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est comme si David t'a dit que, qui est-ce que mon Dieu admet dans la présence li? Est-ce que ce n'est pas ce que moun nan yé? Est-ce que moun qui voulait gon intimité avec mon Dieu, hein? Est-ce que son moun qui capable n'importe qui genre? Est-ce que c'est un moun qui j'en lié? Mais qui j'aime moun ça, dit adoyer. Le texte continue au verset 2 pour dire, c'est comme si yo baye ensemble de caractéristiques de moun que bon Dieu admet dans présence li. On dit que c'est celui qui marche dans l'intégrité. C'est une personne qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Donc si un moun ou dans un processus pour capable aller vers une intimité plus profonde avec Dieu, est-ce qu'on capable n'importe qui genre? Non. C'est ça que fait automatiquement que, avant d'aller plus loin, est-ce que tout le monde qui est là croit que bon Dieu existe? Ah, ok. Savez-vous que, il a dit dans Hébreux 11, verset 6, Or, sans la foi, il est impossible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Maintenant, nous sommes capables d'avancer. Si nous disons non, nous devons camper, oui. Parce que nous ne parlons pas avec les gens qui ne croient pas dans mon Dieu. Sommes-nous d'accord? Hein? Nous d'accord? On avance. Surtout, nous avons parlé à l'église là. Le texte présente les gens que Dieu admet en sa présence. Yo ba tout ensemble de caractéristiques de moun sa, non seulement son moun qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité, pas un petit morceau vérité, un petit morceau, vous comprenez? Est-ce que deux bagages sont marchés ensemble bien-aimés? Gen moun ki konn bo yo konn di on ti vérité, on ti menti, est-ce que menti pa konn piti, est-ce que nous d'accord? Menti tellement konn piti et nous gen des proverbes en créole qui dit que Jean tout menti. OK, c'est une personne qui ne calomnie point avec sa langue. Bon, pendant font tirer sous langue là, permettez-moi me font tirer aller tout petit. Est-ce que nous connaît que langue ça qui dans bouche nous hein, c'est un organe qui plus petit encore nous. Est-ce que nous connaît ça? La Bible dit ça. Oui, non Jacques, apôtre Jacques dit ça. Mais est-ce que pas dans plus petit là? Pendant tout petit dans bouche noire. Est-ce que petit organe ça? Est-ce que pas craser foyer? Est-ce que petit organe ça qui est les langues là? La Bible tellement connaît que langue ça son problème. Dans 10 commandements, pas quelqu'un qui parle de langue. Hein? On a le où quoi nous connons commandement yo? Est-ce pas quelqu'un qui parle de langue? Qui s'allie encore s'allie? Tu ne porteras point. Ça est-ce que ça veut dire que l'aime prendre langue ça, m'utiliser mal, est-ce un péché? C'est une personne qui ne calomnie point avec sa langue. C'est une personne qui ne fait point de mal à son semblable. C'est une personne qui ne jette point l'opprobre sur son prochain, qui regarde avec dédain celui qui est méprisable. C'est une personne qui honore ceux qui craignent l'Éternel. Et je dois vous le dire franchement, bien-aimé, Gimbagay, si goyen intimité, si que ou même pas gagner avec bon Dieu, les moun qui l'en processus là a chercher, ou gen doit dire moun nan, c'est affaire étant la perdu. Et gen bagay pour capable comprendre l'on moun a fait, faut ou même moun en processus là. Est-ce que vous comprenez? Si ou même c'est temps ou a perdu, yon moun qui a fait bagay sérieux, qui soit penser la faire. Temps la perdu tout. C'est une personne qui honore ceux qui craignent l'Éternel. C'est une personne qui ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Et en ce sens, Jésus dit un mot. Il dit que votre oui, que votre non, et tout ce que vous y ajoutez vient du malin ou vient du diable. C'est ça que fait. Et Salomon, bon côté pas, il dit, si ou est ou t'as envie, prends un engagement qui est sacré. Ou connaît par la suite ou pas kakembel plutôt pas prendre dit tout. C'est une personne qui n'accepte point de don contre l'innocent et le texte dit une personne qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. C'est ça que fait gain deux bagages m'ta remet à soi qui était dans l'esprit nous pour que nous capable gain intimité ça avec bon Dieu. Premier bagage que nous devons toujours songer, bien-aimés, nous devons accepter qui nous sommes. Nous sommes tous des. Regardez, c'est seulement 5 mounes. La première chose à faire, bien-aimés, il faut accepter qui nous sommes. Nous sommes tous des pécheurs. Pas qu'un monde qui a toute capacité. Pas qu'un monde qui t'a gagné tout bon sens li sous lui, qui t'a ni levé un bon matin et puis il dit ah ma faut arriver dans l'hôpital pour l'année qui aller pour la ouais beauté bâtiment qui j'aime comme si pour la ouais bel bâtiment pour la ouais qui gens que chambre yo bien rangé qui gens que cabane yo bien disposé. Est-ce un monde qui gagne bon sens pour faire ça? En principe, dans tête tout le monde pour aller à l'hôpital soit gagné. La vérité bien-aimée c'est que Nous allons à l'hôpital quand nous savons que nous sommes malades et que nous avons besoin de l'aide d'un médecin. Mais est-ce que au monde qui ou quand crété comme ça et pour dire ah et bon mal font marcher dans l'hôpital. Est-ce que ça a un sens? Non. C'est quand ça veut dire que les que nous allons dans l'hôpital, c'est parce que nous connaissons que nous malades et nous besoin d'un médecin. Imaginez-vous bien aimé, curieusement, quand il s'agit de prendre Dieu en compte dans leur vie, certaines personnes supposent qu'elles doivent commencer à vérifier. Est-ce que nous comprenons? Bon, commencer pour nous capable comprendre ça, je veux dire très bien. Pour qui ça va à l'hôpital, en principe, c'est parce qu'on est malade. Est-ce que nous d'accord? Est-ce que nous là? Non, ça c'est dans le cadre missionnaire. Mais normalement, pour qui sont à l'hôpital, est-ce qu'on a décidé à ou dit matin lever, on va rentrer à l'hôpital? Parce que l'hôpital là, son bel bâtiment, on y a regardé. On y a entré dans la chambre là, on fait photo, et bah, ou fait selfie, ou couché sous le cabane, ou dit ah, je suis à l'hôpital. Est-ce que c'est pour ça que l'hôpital fait? Non. C'est que quand nous allons à l'hôpital, c'est parce que nous sentons que nous sommes malades et nous avons besoin de l'aide de médecins. Mais curieusement, quand il s'agit de prendre en compte Dieu dans leur vie, certaines personnes supposent qu'elles doivent commencer à vérifier. Par exemple, pour aller à l'hôpital ou qu'on est fort malade, c'est logique. Mais à ce qui a trait avec Dieu, il y a quelques questions que nous obligés à poser avant d'y aller. Depuis nous sentons si nous pas bien, nous pas ok, nous avons tous nous obligés à aller au médecin. Nous avons douleur, nous avons cours à l'on médecin. Est-ce que nous posons des questions avant d'aller au médecin? Est-ce que le docteur a traité la douleur? Est-ce que avant d'aller au médecin, est-ce que l'hôpital sait qu'il y a besoin? Est-ce que nous avons posé des questions ça? Mais non, parce que nous connaissons que automatiquement que nous allons au médecin, hein, à première vue, nous avons besoin de ce que nous avons besoin. Est-ce que nous comprenons ça? Mais tandis que, à chaque fois que pour nous avons une relation avec mon Dieu, il y a un ensemble de questions toujours à poser. Il y a un qui dit, est-ce que, par exemple, christianisme, là, ça que j'ai besoin, là, ben, moi, il y a des gens qui ont dit, est-ce que les gens qui l'église, ils ne sont pas hypocrites, est-ce qu'ils sont hypocrites ou bien sincères? Ou bien, est-ce que les gens qui ont culte d'adoration, ils ont déroulé, les traditionnels ou bien les contemporaines? Ou bien, est-ce que les dirigeants de l'église, ils sont fiables? Ou s'ils peuvent d'abord répondre à toutes leurs questions? Mais pour qui ça, à chaque fois que nous avons besoin d'une jeune bon Dieu, nous sommes obligés de poser toutes questions. Et tandis que là que nous pouvons aller vers un médecin, nous connaissons que c'est lui qui a une solution avec le problème nous gagnons. Nous aller avec DG fermé parce que nous connaissons une solution. Mais est-ce que nous avons une jeune bon Dieu, nous pouvons poser toutes questions. Est-ce que les mouvements ont un bon accueil? Est-ce que les mouvements l'église là? Est-ce que les dirigeants sont les qui fiable? Est-ce que tout le monde est important pour avoir une relation avec mon Dieu bien-aimé? Non. C'est ça que fait, moi je dis souvent, bien aimé, que en termes de relation avec Dieu, l'âge ne compte pas. Est-ce que vous entendez samedi? Est-ce que nous comprenons samedi? L'âge n'a pas rien utile. Mais ce qui compte, bien aimé, c'est notre relation avec Dieu. Parce que les bagages, ouais, si on fait un grand monde, pas qu'à faire. En fonction de la relation que l'on gagne avec mon Dieu. En fait, bien aimé, Gampi moun qui pensait que le christianisme non li commencé, en fait plus d'un pense que le christianisme commence par obtenir de Dieu que Dieu et l'église leur démontrent qu'ils sont fiables et nécessaires. C'est comme si bon Dieu t'a doué avant pour moun croire dans mon Dieu, faut bon Dieu être capable prouver moun nan que li fiable et li sincère. Mais permettez-moi de suggérer bien-aimé qu'il serait plus facile et bon de commencer notre rapprochement de Dieu en reconnaissant simplement que nous avons un problème pour lequel nous n'avons pas de solution par nous-mêmes et que le seul capable de solutionner ce problème, c'est Jésus. Est-ce que nous comprenons ça, me dire? Avant même d'avancer, c'est pas parce qu'on peut dire, est-ce que ma joindre ça me besoin? C'est pas ça qui est important dans la relation avec mon Dieu. Est-ce que nous comprenons? Si ça fait un ensemble de monde, certaines fois, qui sont déçus. Parce que pour ça que vous êtes venu certaines fois, c'est pas lié aux joindre. Et certaines fois, bien aimé, nous oublions que nous sommes des pécheurs en tant que tels. Nous sommes limités, bien aimé. Nous devons admettre que pour que le rapprochement soit fait, c'est fini pour une jeune bon Dieu pour une solution. Mais c'est pas tant pour guetta. C'est comme si quelqu'un qui t'a yo plus voulait pour solution venir avant et puis après pour un jeune bon Dieu. Mais est-ce que c'est inverse à lier bien aimé? Il faut s'approcher de Dieu et Dieu lui-même il s'approchera de nous. Le christianisme bien aimé, ce n'est pas le produit que l'on trouve sur le marché. C'est pour magas qui y a promené tout côté en attente d'acheteurs qui connaissent les avantages qu'ils peuvent en tirer. Je dois vous le dire, bien-aimé, que le christianisme est plutôt une religion qui enseigne et reconnaît que nous avons un problème. Et comment appelle-t-on ce problème? Ah, pas seulement 20 personnes qui comptent ça. Comment appelle-t-on ce problème, bien-aimé? Péché. Et que Dieu, dans son amour et sa miséricorde, nous offre gratuitement le seul remède qui existe contre cette maladie. Et remède ça par l'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons accepter qui nous sommes. Nous sommes tous des pécheurs. Et en tant que tels, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Pourquoi nous, bien-aimés? Pour capable atteindre cette dimension, ça, pour capable aller vers cette intimité plus profonde avec Dieu, nous devons accepter que nous sommes des pécheurs, nous devons accepter que nous sommes malades et nous avons besoin de remèdes. Et la seule personne qui est habilitée de solutionner ce problème, et cette personne, c'est Jésus et Jésus seul. La Bible dit que il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne. Personne qui recherche Dieu, selon Romains 3, les versets 10 et 11. Comme nous sommes capables de ça, bien-aimés, il s'agit d'une condition propre à tous les hommes à ce qui a trait au péché. Nous devons accepter que nous sommes tous des pécheurs. Nous devons accepter que pour atteindre en tant que tel, vu que nous limités, il faut rester attaché au cèpe. Et Jésus lui-même, il a dit que il faut rester attaché au vrai cep parce que les que paraît attaché avec Jésus soit poté fuir. Allez, non pied bois tout ça pas bon soit fait avec elle. Ou couper ou jeter. Mais est-ce que ça bon ça lui fait? Il était attaché avec Jésus. Voilà pourquoi l'âge ne compte pas. Mais c'est la relation que nous avons avec Dieu qui compte. C'est ça que fait, il est et comme l'apôtre Jean lui-même il l'a dit que tout ça qui est dans le monde là, tout net a passé. Mais ce qui demeure, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'on est capable de faire ça pour quoi, bien-aimé? Non, ce n'est pas facile. Et pour capable atteindre dimension, sa intimité, ça avec bon Dieu, ou de accepter que vous êtes des pécheurs en tant que tel, vous êtes limité. Il est donc clair, bien-aimé, pour commencer et une relation avec le Christ. Pour avoir cette intimité avec le Christ, nous devons reconnaître la réalité. Et cette réalité n'est autre que nous sommes malades du péché. Que nous ne pouvons pas, de notre propre force, répondre aux exigences que cette loi de Dieu nous impose. C'est ça que nous avons besoin, de rester attachés au vrai cep qui est Jésus-Christ, pour que nous soyons capables de porter du fruit. Et deuxième bagaille, bien-aimé, nous avons de faire, c'est que nous devons nous dépouiller de tout ce qui nous empêche d'atteindre cette relation. Et dans le psaume 66, les versets 16 à 18, bonne façon que le psalmiste s'en présente la situation, ça que moi m'en pile, en essayant de lire rapide avec nous, nous sommes dans la page 590, moi m'en disant que David, au psaume 15, c'est David qui t'a parlé. C'est lui qui t'a parlé, qui t'a présenté, qui type de monde que bon Dieu admet dans la présence lui. Et dans Psaume 66, là que gon l'autre façon que psalmiste dans les versets 16 à 18 que m'remet façon que yo présenter situation. On lit ensemble. Psaume 66 verset 16 à 18. Lisons ensemble. Venez, écoutez vous tous qui craignez l'Éternel, qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et ma louange et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé et il a été attentif à la voix de ma prière. C'est ça que fait bien aimé. Avec notre nature qui est pécheresse, certaines fois, nous y a une prière qui ne compte pas qu'à exaucer, ce n'est pas un petit problème. C'est parce que réellement que cœur nous ne compte pas attaché avec bon Dieu réellement. C'est parce que certaines fois que nous qu'on a prié mais qu'on l'autre bagaille qui empêchait relation marcher bien. Est-ce que nous comprenons? C'est comme si nous sentions que qu'on bagaille qui a tourmenté nous et psalmiste en verset ça lui montrer une bagaille qui est capable empêcher que prière nous exaucer, c'est qui ça laisse l'iniquité ou la méchanceté. Et le texte dit, venez écouter, vous qui craignez l'Éternel, qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Et qu'il y a des choses pour comprendre, bien-aimé, il y a des choses pour comprendre que nous vivons dans la relation avec bon Dieu, ou doit tout dans le processus là. Est-ce que nous comprenons ça, me dit? Il y a des choses pour que jamais commencer, ou pas jamais comprendre ça, nous vivons avec bon Dieu. Ou ka di moun nan se pran pou la pran pose, c'est l'équipe plus sincère. Ou capable dit que moun nan se pran la pran pose, c'est l'équipe plus fidèle avec bon Dieu. Mais pour que ça au lieu ou dit ça, pour que ça ou pas essayer entrer dans processus là tout pour être ou même capable d'une relation même j'avais moun nan au moins avec bon Dieu. Et psalme sans guérison là que il dit si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Moi-même j'ajouterais si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait jamais exaucé. Est-ce qu'il y a un monde qui peut avancer, qui a des lèvres impures? Est-ce qu'il y a un monde qui calomnie son prochain? Est-ce qu'il y a un monde qui pas pratiquer la justice? Est-ce qu'il y a un monde qui passe temps? Tandis qu'on a vu nos sociétés côté que le mensonge est une réussite. Est-ce qu'il y a un monde qu'on soit capable de dire que on peut l'approcher de bon Dieu et puis bon Dieu va l'exaucer? Prier ça. Ça a un point d'interrogation d'elle. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait jamais exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Et en ce sens, il dit, béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons accepter que nous sommes tous des pécheurs. Et en tant que tel, nous connaissons que ce n'est pas facile dans le monde que nous vivons là. Nous connaissons que ce n'est pas facile et nous tous net qui là, ni moi-même qui a parlé, c'est l'effort que nous avons fait. Mais en attendant que nous devons gourmer, nous devons, bon Dieu, cet esprit a un travail, pas lié à faire, mais nous-mêmes en tant qu'homme, est-ce qu'on n'a pas un travail pour tout pour faire dans le processus ça bien aimé? En attendant que, une n'a pas que moi-même, là, mon Dieu, c'est que, bon Dieu lui-même est toujours respecté par ce par là le contrat, mais c'est nous-mêmes qui toujours, certaines fois, je que le texte a dit, ce sont nos iniquités qui vont empêcher que relation en li fait gens que li da deux fait là. Nous conscients vrai bien aimé que même si que apôtre Paul dit ça, à chaque fois que moi veux faire ça qui bien, c'est qui ça me fait. Est-ce que c'est pas nous tous qui dans situation ça? Mais est-ce que ça t'a donc pour autant empêcher que nous entrer dans intimité ça avec mon Dieu? Nous connaît que des monde qui pourrait dire que la chair, mais c'est une fois on obligé relever ça qui dit mais l'esprit est bien disposé. C'est ça que fait bien-aimé. Nous devons rester attachés à Jésus-Christ. Et si que nous restons fait ça, monsieur est certain que l'objectif ça que le dirigeant de l'église a fixé pour nous année qui c'est vers une intimité plus profonde. L'autre bagage qui plus profonde bien-aimé. Pour capable entrer vers une dimension qui plus profonde. Ou t'as de grandes relations déjà si nous comprenons. Est-ce qu'on monde qui pas gagner quand entrer dans bagage qui profonde avec mon Dieu? Non. C'est que si que nous voulons atteindre cet idéal vers une intimité plus profonde avec Dieu, nous devons accepter ça, bien-aimé. Certaines fois, nous disons ça dans la bouche, mais en réalité, dans la tête, nous, que c'est comme si nous, c'est nous-mêmes qui bon Dieu. A. Mais non, bien-aimé, nous devons accepter que nous sommes tous des pécheurs et en tant que tel, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ, qui est la seule solution, qui est le seul remède à ce problème qui est le péché. Tandis que je vais terminer en ce soir. Nous allons chanter pour prier. Nous allons chanter une soirée du mot 333. Nous allons demander au Seigneur de sanctifier nos vies, de sanctifier nos jours et nos moments. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments. encore une fois, assoyez à nous dans pied pour que nous capables d'entrer dans entamer processus ça qui sont un idéal qui c'est vers une intimité plus profonde avec toi. Nous connaissons que le travail n'est pas facile parce que en tant qu'être humain faible et pécheur, en tant que des gens qui à chaque fois que nous voulons faire ça qui est bien, c'est mal à qui était attaché avec nous. Ou voyez à travers le message ou à soi que nous besoin parce que sans remettre ça que seulement Jésus-Christ est tout capable bail, nous pas capable jamais atteindre idéal ça, nous pas capable jamais atteindre et niveau d'intimité ça avec. C'est ça que fait nous voulez n'a monde papa souple pour que nous capable pour que capable sanctifier chaque jour que nous a passé. Aidez-nous même Job Samuel sans dire pour que nous capable bien compter nos jours afin que nous appliquions chaque jour notre cœur à la recherche de ta sagesse. Et toi-même, notre Dieu, notre Père, tu peux nous et donner un cœur intelligent pour discerner le bien du mal. Tu peux nous donner un cœur intelligent afin de toujours rester attaché à toi et à toi seul qui est le vrai cèpe. Nous connaissons que papa, bagala pas facile pour nous toutes. Si nous toutes naissons, lutter n'a plus lutté. Mais, Jean que vous dites dans la parole, ou que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et c'est la parole ça que nous croyons qui fait assoya. Non seulement nous qui t'activer nous pour que nous capables venir en présence où c'est parole ça qui aide nous pour que nous capables lutter chaque jour contre le péché. Et nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. C'est ça que aide nous pendant jour ça que nous avons passé soir après soir dans pied. Aidez-nous pour que nous capables atteindre intimité ça. Aidez-nous pour que dans tout ça que nous avons fait, pour que nous capables, pour tout le monde capable voir que nous sommes des mondes qui a servi le Dieu qui est fidèle et véritable. Exauce-nous notre Dieu, notre Père ce soir. Aide-nous à te représenter. Aide-nous à vivre dignement selon l'appel reçu de toi. C'est ce que nous allons nous relever de cette posture. Nous avons l'assurance que tu as entendu nos prières et qu'elle va redescendre sur nous en faisant de grâce et de bénédiction. Qu'il en soit ainsi pour nous qui sommes ici présents, ainsi que pour nos familles respectives. Au nom de Jésus. Amen.